Des ciseaux de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Hey, bonjour, bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 22 au 28 avril 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Donc, bienvenue à cette édition des Palmarès. C'est l'avant-dernière de la session. Wow! Hey, ça passe donc bien vite. Tellement. Bientôt, on va se faire griller la couenne. Oui, on va se faire griller la couenne dans cette case horaire. Petit indice qu'on drop une fois de temps en temps. En fait, je mets de côté les moments où on insère les indices par rapport à notre émission estivale pour pouvoir faire un montage dessus. C'est fun que je le dise en nombre. C'est ça. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on va savoir si les numéros 1 sont toujours du côté anglophone Thomas Darcy avec I Wake Up Every Day. Alors que du côté francophone, c'était Obscénité de Sarah Narap. Mm-hmm. On a 4 nouvelles entrées. C'est beaucoup moins que les semaines passées. On a eu quelques semaines avec 10 nouvelles entrées. Donc on a fait un gros ménage, là. Et on retrouve du côté anglophone une seule nouvelle entrée. Ce sera The Best Nerd Lakes avec People of the Sticks. Il y aura aussi Edgar Bory et Alex Nevsky. Le couleur? Le couleur? J'ai pas mal tout dit à ta place, finalement. Mais c'est pas grave. Parce que moi, j'aimerais préciser. Non, ce n'est pas une erreur de français. C'est bien le couleur. Madame langue française, l'oreille lui saigne à chaque fois qu'on entend ça. Oui, c'est pas agréable dans les écouteurs, là. À un moment donné, faut que j'ouvre un petit peu le. Ben, ça fait un petit look des écouteurs rouges, tu sais, c'est tendance. La petite coulisse, là, sur le bord, ouais. D'ici la fin de l'émission, on va aussi avoir des chroniques, hein. On a les instants classiques d'assemblage requis. Un classique. Ben, je sais. On peut pas passer à côté. C'est dans le nom, hein. Tu sais, quand tu dis classique dans le nom. Pas le choix. Assez fou, on a le classique assez facile dans le nom. On a aussi Palmer Rest in Peace, où on dit au revoir à nos pièces qui nous quittent. Et la visite, pour la première fois en 6 mois, je sais pas combien, de Justine Renaud et Justine Procrastine. Qui ça? Justine Renaud. C'est la belle petite blonde? Oui, charmante jeune femme. Ouais. On l'aime! Tabarouette, là, et où? Ben, on l'a perdu dans les brumes, je pense. Alors, on commence avec les nouvelles entrées. Du côté anglophone, la 20e, je l'ai dit, c'est The Best Nerd Legs, c'est People of the Sticks, mais on débute en franco. Avec Le Couleur et Vacances de 87. Une bonne année, 87. Ah ouais, c'est pas ton année de naissance? Oui, c'est mon année. C'est vraiment année? Oui, ça, c'est mon année. Mais je suis donc bien vieux! Oh, déprimant! Toi, c'est quoi, 82? 3. 83? Ouais. T'es sûr? Ouais. Okay. Pas mal. We'll be right back. numéro 20. Nouvelle entrée. We'll be right back.

passant faire. Quand le sourire vient à manquer, c'était une journée d'enfer. Un cri brûlant sur le quai, vite fait d'arracher les pages. Sucré l'azur à l'allure, ne scintillant plus. Falap, falap, falap, falap, falap, falap, falap, falap. Une de ces parties qu'on perd quand les matins tiennent à mourir. Les amis tombent en poussière. Hier parlait d'avenir. J'ai fracassé ma vaisselle au fond d'un fond de ruelle. Sans chat. C'est la nuit, toute la nuit, qu'il me faut des paradis. Défonce à l'oubli, à cœur ouvert au chahut, avant que l'aube chagrin me trouve perdu. Devant l'ennui, je m'enchaîne au paradis, à trafiquer mes taudis. Eh oui, mais le oui, mais ma cervelle chauffe un taxi. Voilà qu'elle frappe à ma porte. L'heure infirmière qui me porte en omnisomnifère. Ces omnisomnifères. Encore un jour d'enfer. Je pense qu'on a mis le doigt dessus, Stéphanie, en disant que le mot somnifère était très approprié. Mais moi, il n'y a pas de somnifère. Je pense que oui. Pas pour nous autres tellement, mais quand même, nouvelle entrée d'Edgar Bory en position au numéro 18 francophone. La pièce s'appelle Journée d'enfer sur l'album Malade et c'est le troisième album d'une trilogie. On dit ici sur célèbre Wikipédia, il a lancé à la fin de 2012 Balade, le premier volet de ce qui est une trilogie finalement. Les opus suivants s'appellent Salade et ensuite Malade, donc Balade, Salade, Malade. C'est beau, hein? Il y a une thématique, on dirait. Ben oui. En ad. En ad. Comme dans ad. Non, même en lad. OK, ouais. Une balade, salade. Même en alade. Mais comment t'appelles ça? C'est une rime, il n'y a pas de terme pour ça. C'est une rime très riche en alade. Ouais, voilà. C'est génial. C'est luxueux. Avant ça, en 19e francophone, on a entendu Alex Nevsky et on leur a fait croire. C'est un single, donc pas encore d'album pour cette pièce-là, mais ça s'en vient, j'imagine. On a aussi entendu les 20e places. Oh, Le Couleur avec Vacances de 87. Mm-hmm. Alors que du côté anglo, c'était The Bessnard Lakes avec People of the Sticks. Wow, les gens des bâtons! Ben, exactement. C'est ça. C'est pas une ville, ça, Saint-Jean-des-Bâtons? Je sais pas, peut-être. Ben, sais-tu, il y en a tellement des farfelus au Québec. C'est, ça me surprendrait pas tant que ça. Ça coule tellement, c'est farfelu, c'est farfluide. Farfluide. Comment on dit? Farfeluité. Farfeluité. Oui, évidemment. Donc, on saute par-dessus plein de choses. Et justement, tiens, ça me rappelle, Stéphanie, moi, des fois, là, quand on a des chansons qui s'en vont, même, ça m'inspire. Là, parce que si on a des nouvelles entrées, ça veut dire qu'on doit se débarrasser de quelque chose. C'est comme quand t'achètes un produit, c'est comme les hoarders. Qui eux font juste acheter, prendre des marchés aux puces puis accumuler, tu sais, ça fait des maisons chargées, un petit peu trop chargées et c'est jamais très très beau. Donc nous, ben il faut faire du ménage pour pas finir comme ça, tu comprends, Jean? Mais voilà. C'est pas parce que ça s'en va que c'est pas bon, c'est seulement qu'il faut faire des choix. C'est ça. Et mais il faut quand même, donc si on s'en débarrasse, leur dire au revoir, les envoyer à dompe. Ouais, j'essaie de trouver quelque chose de plus beau que ça. Mais voici Perma, Rest in Peace. Just mountains of change. What's gonna happen to you? I you have woke up too soon. And the world is rearranged. And now your feelings have changed. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis la semaine dernière. aviez sale, qu'on joue les méduses glaciales, quand on est deux yeux dans les yeux, à lécher des jours malheureux, les soirs de pluie, les matins grimains, sous le soleil de midi, jamais les bombes, les grenades, ni la suie, me feront sortir du lit. You are saying who I do. I got the fire, so I make my dreams come true. No, I'm just a powerless fool. But I like you open so I can see the view. Cool, how did they live, how did they breathe? The gift of penetrating means nothing but the plan to see. Et toi tu pleures encore pour une histoire de fantôme. Une histoire de fantôme. On vient d'entendre des extraits des pièces qui ont quitté les Palais Racifou pendant la semaine du 22 avril 2013. On a donc entendu Rouge Pompier avec Château de Sable. Ensuite, Pierre Lapointe et La Sexualité. Hôtel Morphée, des histoires de fantômes. Et finalement, Fiddler avec No Waves. Et voilà, c'est triste, mais on vous dit bye. Selon moi, ce sont de grandes pertes. Pour vrai. Surtout Fiddler. Ah, Rouge Pompier! Non, mais les Rouge Pompier sont revenus la semaine passée avec Paul. Il y avait deux pièces en même temps dans le palmarès pendant genre deux semaines. Fait que, tu sais, alors... Écoute, si c'était juste de moi, il y aurait la moitié du palmarès que c'est Rouge Pompier. OK? Position 11 à 6. L'album au complet sur le palmarès, s'il vous plaît. Si seulement. Ouais, donc on s'ennuie de Rouge Pompier et de Fiddler. Pierre Lapointe et Hôtel Morphée. Hôtel Morphée, j'étais tanné de l'entendre. Ben, je me suis attaché. En fait, ça m'a fait du bien de l'écouter souvent. Oui, mais j'aimerais en entendre un autre extrait. Pourquoi pas? Pierre Lapointe. On est d'accord là-dessus. Une chance qu'il y a la fille de Random Recipe dedans. Oui, Angie, oui. Tu... C'est pour ça que l'extrait, c'était quasiment juste la fille de Random Recipe. Donc, on dit au revoir à ces pièces-là. Et en même temps, on saute par-dessus un petit groupe de pièces. Du côté anglophone, on saute par-dessus les 19 à 11. Town with the Get Down, Stay Down avec City en 19e, 18e, Sound City et Your Wife is Coming. En 17e, The Strokes et All the Time. 16e, The Damn Truth, Too Late. 15e, New Believers de Minotaurs. En 14e, We Are Wolves avec Moving Fast. En 13e, c'est stable, The Stars Are Out Tonight de David Bowie. En 12e, ça monte, ça descend de la 5e, Halloween City de Sons. Et finalement, en 11e, on monte de 3 avec How to Destroy Angels et la pièce How Long. Alors que du côté francophone, on va sauter par-dessus Olinéa et Ta plus belle extorsion. Les Sœurs Boulées par le chignon du cou. En 15e, Forêt et Corps maquillés. En 14e, Ma tête dégèle de Jean-Philippe. En 13e, c'est Paul de Rouge Pompier, mais qui a fait une montée de 7 places. En 12e place, c'est Pink Floyd de Atomic Baobab. En 11e, je pars un cowboy de Lisa Leblanc. Évidemment, on va réentendre certaines de ces pièces d'ici la fin de l'émission. Certaines. Je vote pour Rouge Pompier. D'accord. On verra tantôt si on se rend jusque-là, premièrement. Hein, pas le choix, j'ai mis mon T-shirt de Rouge Pompier aujourd'hui. Il est rouge en plus, tu l'as rendu. Non, rouge. Il est corail. Corail, c'est une couleur, ça? Ben, oui. OK. Et c'était vraiment ce qui est écrit sur le site Internet? C'est corail. OK. Je te crois, là. T'as pas le choix. Je te crois. J'ai toujours raison. Oui, oui, t'es une fille, hein. Ouais. Donc, on s'en va au 10e place tout de suite du côté anglophone. Hunter Valentine s'en viendra avec une pièce qui descend d'une place, The Pulse. Et du côté francophone, on va entendre Tombé Frêle de Chantal Archambault qui est descendu de 3 places. Et restez là parce que tantôt, Justine Renaud est avec nous pour Justine ou Procrastine. Ça fait longtemps. En fait, viens. C'est pas vrai, c'est fou. Ton fusil braqué à mes flancs, j'ai succombé à tes apports. J'ai craqué le bon biscuit chinois, me dictant d'épouser tes bras. Je retiens mon souffle en quittant le bord de ta portée. J'agrippe à moi ce trop plein d'envie de toi pour te

Alors que Justine Renaud s'en revient tantôt, ça sent vraiment bon ce qu'elle mange en passant à l'extérieur du studio, mais on le sent jusqu'à l'intérieur du studio, évidemment. Je te dirais, à l'odorat, là, de loin, là, ça doit être des crevettes puis des petits légumes, là, genre carottes là, coupées avec des petits motifs. Puis, wow! Tu le décris comme si tu l'avais vu à moins d'un mètre. Et elle a des mèches jaunes dans les cheveux, Justine. On lui en parlera tantôt, mais c'est joli. Elle est donc bien frivole. Oui, elle s'en permet tout en soufflant sur son... sifflant dans ses grands... cheveux blancs. Cheveux jaunes. Non, mais je sais pas que ça rimait. Ouais, OK. J'essaie de faire une chanson de Noël, mais j'avoue que la scène était meilleure. Parce qu'elle rimait. Chanson de Noël? Oui. Et c'est bon, ça soufflant, les grands sapins blancs. Oh! Oh, OK, dans les grands sapins blancs. Ah, c'est pas ça, cheveux blancs. Exactement. Je savais pas d'où c'est que ça venait. Je n'ai plus aucune idée où je m'en vais. Je sais par contre qu'on s'en va aux 9e place avant Justine. Mais c'est déjà bon. C'est vrai. Du côté anglophone, c'est East Road. Et ça monte d'une place avec Oh Love. Et du côté francophone, c'est dommage que tu sois pris avec Podcast qui monte d'un beau 10 places. Wow, hein? Attaboy. Attaboy. Comme en dirait l'autre, là. Attaboy, ce serait quoi en français? Ce serait à ton garçon. À ta cousine. Je suis pas bonne là-dedans, là. C'est des palmarès, c'est fou. Un condensé des meilleures musiques. Elle me dit, la vie me traîne. Il n'y a pas de place pour dire le reste. J'ai mal craché sur des distances qui ne se comptent pas sur les doigts. J'en ai dépensé des nuits et des lendemains de veille. Gagner des prix de présence, même quand j'étais pas là. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. J'ai le corps qui veut tellement, mes quatre ans sont ouverts. J'ai vidé le volcan, j'ai bu son jus de braise. Si au par malheur les hommes étaient tous faits en bois, j'en connais quelques-unes qui auraient mis le feu dans le tas. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. mais au fond, je sais bien. La chance est un volant qui se tient à deux mains. Où il est celui qui veut la même chose en même temps, la même affaire aujourd'hui, demain et devant. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. J'ai le cœur blindé, mais corps, mon ange est dans l'effort. Quand ce qui ne nous tue pas, nous rend quand même plus morts. Peut-être que tout ça sonne comme si je baisse les bras. En vrai, c'est juste que j'ai personne à mettre dedans. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. Numéro 9. It reshapes my wilderness and I tremble. The moon guides the rising night. Where you are, can you see the same sky? Wolves in my lungs and wings on my breath, bubbling brooks of blood in my veins. Rustle my leaves and pollinate my daisies. Your presence now is all I need. When winter comes by, don't know what I'll do. Gnash my teeth, sleep it out, fly me south. Oh love, what will you do? What will you do? They are for all to rejoice. December it is once again on my course. Here I am, might be my choice, but music can replace our love. When winter comes by, I don't know what I'll do. Gnash my teeth, sleep it out, fly myself. Oh Lord, what will you do? Oh love, I'm still longing for you. Longing for stop thinking. I've been told not to go. It's heavy on my mind, you know. I've been told not to go. I can't be so far from home. You're my Strode et Olav. Pour ça, le numéro 9, ça monte d'une place en anglo. Et du côté francophone, dommage que tu sois pris d'avec pas de casque. Une chance, hein? Dommage, ben parce que moi, en tout cas, le gars d'Avec Podcast, que je trouve que je chante mal. Pas pour toi, là. Je te le recommanderais pas nécessairement. Je sais pas, là. Pas tant. Pas tant. Bref. Sur ce malaise inconfortable, il y en aura d'autres tantôt dans un instant classique. La chronique qui rassemble les meilleurs moments d'Assemblage Requis. Ça, c'est sûr que ça s'en vient. Justine aussi s'en vient, Justine Renaud, pour leur grand retour après 2 mois, je pense, d'absence de Justine Procrastine. Elle et sa fricassée scandinave. Oui, elle apprécie sa fricassée scandinave comme ça. Avec des carottes, là. Ça a l'air bon dans la bouche. Des carottes. Des carottes. Ça, c'est des rottes de vache. Carottes. Oh, réussi, ça. Bravo. Yes. Top là. Voilà. Est-ce qu'on l'a entendu? Ah! Là, on l'a trop entendu, ça. Faut que je cherche où j'ai fait la distance de mon micro pour les claps d'aimer. Numéro 8, du côté anglophone, c'est Grow Inland avec The Things I've Done. Ça monte de 4. Et du côté francophone, Karim Ouellet et la pièce La Moindre des Choses. Ça se passe au Palmarès. Il faut un condensé ou une fricassée? Scandinave! Scandaleux. La meilleure musique. De c'est fou. Là, je dis au complet. Tantôt, c'est la meilleure musique. Puis là, il a commencé à chanter. J'ai comme arrêté la phrase. Ça a l'air un petit peu prétentieux de dire que c'est la meilleure musique. Point. Hein? Ouais, j'allais dire, j'avais pris mon souffle, mais il a commencé à chanter. Il m'a coupé. C'était parfait. C'était parfait. Ouais. Pour une fois qu'on l'a. Ben oui. On en profite. C'était bon. Quand tu chantes. Au bout d'une cigarette et les deux yeux dans l'eau. Oh, oh. Je cherche ma voix sur les palmarès et rêve comme un saut. Oh, oh. Mais quand j'aurai réussi, libéré de mes pieds gauches, je t'écrirai qui je suis. C'est la moindre des choses. Mais je sais ce que je veux faire. Plonger ta première, tout le reste peut attendre. Mais si tout ce que je touche disparaît en un éclair, je préfère qu'on disparaisse ensemble. Les paris sont ouverts, alors faites vos jeux. J'ai déjà misé gros. Oh, oh. J'ai pensé qu'on m'écouterait un peu en écrivant ces quelques mots. Oh, oh. Mais quand je serai plus grand, je ne saurai plus quoi faire. J'écrirai ce que je ressens, ma soeur, mon frère. Mais je sais ce que je vais faire. Plonger ta première, tout le reste peut attendre. Mais si tout ce que je touche disparaît dans un éclair, je préfère qu'on disparaisse ensemble. Si cette vie en vaut ma peine, je soufflerai sur d'autres chanteurs. Mais je sais bien que tu m'as fait ta valise, on se fait la belle. Mais je sais ce que je veux faire. Plonger ta première, tout le reste peut t'attendre. Mais si tout ce que je touche disparaît en un éclair, je préfère qu'on disparaisse ensemble. Je préfère qu'on disparaisse ensemble. Yeah. numéro 8. Things I've Done, position numéro 8, 4 places vers le haut. Côté francophone, la moindre des choses est Karim Ouellet, sans monter d'une petite place. What, what? Ouellet, what, what? Will, comme la rivière Will. Oui, that's very, very well, I know it very well. Et. Ah, oh, ok. Et, yeah. Pas de joke de toilette ici, là. Non, non. Ouellet, ben non. Juste de Mouel, puis de... De Et. De Mouel. De Mouellet. Quelque chose de moelleux. C'est oui. Moelleux. Non, mais la moelle, là, dans le dos. Dans les os. Ouais, c'est dans les os. Ouais, moi, tu vois, la géographie et l'anatomie, apparemment, ne sont pas. Ça, les maths et l'histoire. C'est quoi ton domaine, toi, Mathieu? J'étais vraiment un domaine. Le français, peut-être pas si pire. L'anglais, clairement. Ouais, les langues. Les langues, je dirais, c'est plus mon fort que tout le reste. La philo. La... Non, rien de bon. Ah, je tombe en poche. Quoi? Tu voulais me déprimer, c'est ça, en me demandant cette question-là? Tu voulais que je me déprime puis que je vois tous mes Ben voyons, moi, j'ai défauts. Juste parlé de moelle, puis là, tout d'un coup, t'as parlé que t'étais pas bon en anatomie, en géographie, en histoire, en mathématiques. Donc, je me rabaisse moi-même. Exactement. D'accord. T'as bien raison. Tout de suite, les septièmes places du côté anglophone, c'est André Papanicolaou avec You Can't Lose If You Don't Play. Et ça, ben, c'était en 15e place, donc ça monte de plusieurs places, finalement. T'es bon en mathématiques. Merci. Et du côté francophone, on va entendre Ça va, de Tremblay. On écoute ça, on parlera assez fou. Au 89 FM. La radio campus de Trois-Rivières, ça. Ouh. Tremblay aussi. Y'en a jamais trop des regards croisés qui te font penser que ça pourrait marcher. Un chèque qui rentre sans que tu t'en attendes. Trois chiffres qui payent ton prochain loyer. Ça va, j'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. Boston, Montréal, en Syrie, sa bouche, ça crie, la nuit, les taxis. Je vois la dernière saison fendre. Où est-ce qu'était passé tout le monde? Ça va, je content d'être là. Je content d'être là avec toi. Je me tiens debout devant le bonheur. Je me sens prêt maintenant. Je suis plus solide qu'un boxeur, mais plus solide qu'avant. L'asphalte que je regarde quand je marche, la vie j'allais dans la face, comme le vent tu mènes, qui sent la mer et qui t'emmène. Ça va, je content d'être là, je content d'être là avec toi. Un dimanche matin qui dure jusqu'au lendemain, avoir le temps de prendre son temps. Même l'horloge collé off. Ce soir y'aura pas de la scale. Ça va, j'content d'être là, j'content d'être là avec toi. Je me tiens debout devant le bonheur. Je me sens prêt maintenant. Je suis plus solide qu'un boxeur, mais plus solide qu'avant. André Papanicolaou, You Can't Lose If You Don't Play. C'est la position numéro 7 anglophone. Mais tout juste avant, du côté francophone, on a entendu Tremblay avec la pièce Ça va, ça va. Oui, c'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt. Justine, pour vrai, va être là. On l'annonce depuis le début de l'émission, n'est-ce pas, Justine? Oui. Oui. On m'annonce. Oui. Hey, tantôt, on parlait qu'il y avait un traiteur derrière nous. Mais il arrêtait pas de nous traiter de plein de choses. Mange. Raciste. Raciste. Raciste, c'est le meilleur. Je trouve que c'est la. Si tu veux insulter quelqu'un, c'est de le traiter de raciste alors qu'il l'est pas, ça. Surtout quelqu'un qui aurait absolument rien dit. Oui. Il mentionne une couleur quelconque. C'est ça. Autre que... Ah, il fait noir. Ouais, raciste. on revient tout de suite. Je mets du sucre brun dans mon café. Raciste. Non, mais je vais le prendre noir d'abord. Raciste. C'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C'est F O U 89 1. Hey, fait intéressant les amis, la chanson qui vient de jouer là à la fin de l'ID, celle qui sonnait étrangement comme ça ici. O U 89 1. C'est aussi une chanson de Artist of the Year. Mmh. Qui est aussi ceux qui font la chanson thème des palmarès c'est fou. C'est rare que ça arrive, donc je le souligne. T'sais. C'est bon. Fin, hein? c'est pour ça que c'est bon. Hey, je réalisais pendant là, on parle de derrière scène de la publicité qu'il y avait avant, la barrique, c'est rare qu'on parle de publicité en ondes, on fait comme si ça n'existait pas, t'sais, parce que ça fait pas partie de l'émission, t'sais. Mais moi je suis là puis je ramais en même temps que la pub de barrique, t'sais. Je ramais. Je suis là. Pas en forme, t'sais. Je pense que ça veut dire que je suis pas en forme. Non. Hey, il ramait sur sa chaise. Ridicule. Donc, c'est la deuxième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 22 au 28 avril 2013. C'est les Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Et Justine Renaud est avec nous. Ouais! Yeah! Ta chronique Justine procrastine, on la remet plus tard sans cesse. C'est le principe de la chronique, en fait. Mais exactement. Moi, c'est toute la dernière minute. Donc, les derniers instants de l'émission, ça va être moi. Mais là, fais attention parce que là, l'autre fois, on t'a mis en retard. Puis là, c'était pas le fun pour ta vie. Hein? Hein, qu'est-ce qui s'est passé, donc? Je me rappelle pas. C'est ça. Cette fois-ci, c'est toi qui me fais attendre. Oui. Mais on aime ça parce qu'on passe plus de temps avec toi. Ben, c'est ça. C'est ça. Je changerai pas, hein? Hein, Steph? C'est les préliminaires, non. Les préliminaires? Préliminaires? J'ai pas dit préliminaire. C'est comme un message subliminal, mais... Oui, c'est ça. Subliminal, hein? Les bananes? Les bananes? Subliminal. Je comprends plus rien. On continue avec les positions numéro 6. Du côté anglophone, c'est Elephant Stone et Setting Sun qui monte de deux places. Et du côté francophone, c'est Motel Bonaparte de Mauve qui est descendu de deux petites places. On écoute ça par le reste, c'est fou. 89.1 FM. Yeah! Je suis allé au motel sur la Michelle et de 3h15. Dis-moi quand t'aurais pas une petite chambre à lui s'il dort. À lui s'il dort, m'a dit ouais. Pas de problème, on devait faire allonger quelques dollars. Ouais, jusqu'à Récuichard, la Liège, je tourne dans le char. Et un motel sur un mille, je ramène ma belle, tu vas voir. Motel sur un mille, au milieu des clochons de l'amour de son. J'suis tanné, ramasser un fils un peu le bistrot pour aller boire. Des anglos qui chantonnaient ma sweet lord, y'en a un qui cherchait des bébés de vague, j'y en ai mis un emploi. Il circulait les mains au visage, puis il m'a dit You can't have a, j'comprends pas, être à côté de moi. Viens tard qu'on part, direction Motel Bonaparte. Je te ramène ma belle, tu vas voir. elle s'y ramène au milieu des clichés de l'amour de soir. Monte, elle s'y ramène, je te ramène ma belle, tu vas voir. Monte, elle s'y ramène au milieu des clichés de l'amour de soir. Numéro 6. Fedstone et Setting Sun. C'est la position 6 et ça monte de 2. Et du côté francophone, en position 6, Motel Bonaparte de Mauve. Crie pas. Puis en passant, les articles, c'est des mots. Non, mais on est en train de jaser que quand quelque chose est utile et va servir à ta vie de tous les jours, quand ça coûte 3 piastres, tu l'achètes. Tu le prends. Oui, tu le prends. Trois mots. Oui, tu prends parce que le compte pas. Oui, le compte. Non. C'est pas. Un mot. 3 piastres. Une piastre par mot, l'article compte pas. Tu iras dans Word, là, où tu feras une dissertation, n'importe quel établissement scolaire, ça compte. Juicy Juice, qu'est-ce que tu en penses, Juicy Juice. Justice. Attends, tu m'as pris au dépourvu, là? C'est moi qu'il faut qu'il réponde? Ben, écoute, moi, je pense que ça compte parce que... Bon, c'est ça, mettez-vous toutes contre moi. Ben là, c'est pas juste contre toi. Tout le monde est contre toi. Hey, yeah, quand dans l'ordre alphabétique, là, tu mets, mettons, strokes, virgule, the. Tu mets pas de strokes, donc le the compte pas parce que la fin compte pas. Non, mais ça, c'est parce qu'il y a toujours un article, mais dans le compte total. Sinon, écoute, tu pourrais écrire des dissertations, juste plein d'articles, puis ça comptera pas. Il y a ça, en oui. Tout cas, en tout cas, moi... puis garde l'autre pour demain. Hein? Ouais. Là, c'est d'enfer. Alors, le radio 5e place, du côté anglophone, c'est The Bicycles et Appalachian Mountain Station, plus un. Oh! Et du côté francophone, ça descend deux places, c'est À bout de souffle de ponctuation. Ah, ça, c'est-tu encore de ton ramage de tantôt? Là? Moi, là, je m'en remettrai peut-être pas avant la fin de l'émission, dans genre 1h45 minimum. Wow! T'as-tu poigné un coup de soleil quand on s'est assis 2 minutes sur le banc, là? Tu m'énerves, là. T'es fait faible? Ouais. C'est pas vrai, c'est fou. I'm not afraid. Ah, c'est de l'émotion, ça. Allez, top! The Bicycles et Appalachian Mountain Station. C'est la position numéro 5, ça monte d'une place. Et du côté francophone, c'était à bout de souffle, de ponctuation. Quoi? Applicateur! Dans le... On parle d'applicateur. Pourquoi on parle d'applicateur? Non, on ne dira pas pourquoi on parle d'applicateur parce que c'est pas dit, ça ne dit pas vraiment un nom. Mais on trouvait que le mot. Était laid. Ça laisse à désirer. Hein. Mais en tout cas, ça avait rapport avec une mort Mars. Dans le. C'est bruit que ça dans, fait quand dans tu la fais planète. Ça. Dans l'Uranus. En même temps, Justine, on connecte. Tu bois un café? Ah, c'est déjà fait. On connaît nos planètes. Oui, mon vieux, tu m'as. C'est quoi la nouvelle phrase vu qu'il n'y a plus. Mon vieux, tu m'as jeté sur un nuage. C'est plate. C'est même pas mon le planète. Mon vieux, tu m'as jeté dans une navette. Ah, OK. Oui, je pense que c'est ça. Moi, j'ai continué avec l'ancienne. Là. Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle. Ouais, moi. Sur un butin nouvelle. Tu m'as jeté sur Céline Galipo. Non, oui, j'avais ça comme lance sur elle. Nouvelle. Hey, t'es fantastique. Toi, Céline Galipo, c'est Céline ton number Galipo, one. Est-ce que c'est sur ta liste? Tellement, es-tu sur ta liste des 5 vedettes avec qui tu peux coucher? Non. Mais non, je veux pas. Parce que tout le monde a cette liste-là. Je veux qu'en face des brownies. Ben oui. Vous avez une liste de vos 5 vedettes avec lesquelles vous avez le droit de tromper votre conjoint? Non, moi j'ai pas ça. Non, moi non plus. C'est des vedettes? Non. Voyons donc. Ben oui, non. Moi j'en ai une, un gang de losers. Une vedette? Une! Une liste! Ah! De vedettes? Vedette. En tout cas, je révélerai pas tout ici. Révèle pas tes sources journalistiques. Madame la prédatrice en chef. Pas tant que ça. Prédatrice en chef. Ouais, c'est ça que je dis. Ou il y a dictatrice en chef. Il y a ça aussi. Ouais. Quoi d'autre? J'aime bien la texte des fouettes. Décoratrice en chef. La décoratrice en chef, c'est cute. C'est des mots actrice. Ben ça n'a pas le choix. Tetris en chef. C'est bon. Je suis comme russe, puis j'ai plein de petits blocs Lego. Ouh, russe. Non, c'est que Stéphanie, la rédactrice en chef du journal de son campus. Ben, je sais. Centrice. Toi, on pourrait donner d'autres titres. C'est quoi ton titre officiellement ici dans les laboratoires? Procrastinatrice. Oui, entre autres. Hein? Elle aussi est en triste. Ah, ben, Tetris. Moi, j'aime bien ça, Tetris. C'est cool. Je suis stiquée là-dessus. Non, il n'y en a pas d'autres. Moi, je fais juste procrastiner. Ben, on remet ça encore à plus tard. On met ta chronique encore à plus tard. Oui. Non, c'est pas tout de suite. Je suis pas prête encore. Bon. Elle joue à Tetris, comme tu dis. Ouais. Puis, elle est pas prête, mais elle se prépare pas non plus. Pas vraiment. En fait, elle a pas encore. Mais quelle heure, là? Elle sait pas encore de qui elle va nous parler. Donc, c'est Ben, il me reste une demi-heure. C'est quoi, c'est ta collègue qui est genre supposément dans une demi-heure, là? 35 et 6, okay, quelque chose genre. Mmh. D'accord, ben dans une demi-heure, je vais être prête. OK. C'est un deal. C'est un défi. C'est un crocodile. Crocodile, c'est un deal, pickle. Oh, wow! Ouais, hein? J'aime ça, moi, les dill pickles. Moi aussi, décidément dill. C'est la sorte que je veux s'acheter. C'est décidément, en effet, dill. Décidément dill. Oui, c'est bien, hein? Wow, c'est donc bien beau! C'est comme un individu qui est un pédophile. C'est un individu de fil. Oh! Décidément dill. Il me semble que ça coule bien. Oui. Aussi bien qu'un individu de fil. Un clin d'œil à Stéphanie Gagné qui nous a quittés il y a longtemps, qui est rendue à Hearst. Ben oui, bien sûr, je ne t'appelle pas. Elle anime à CINN. Cinnamon Radio. Séminaire. C'est Radio-Canal, finalement. Radio-Canal. Non, c'est CINN. Ouais, c'est comme CINN City. C'est le début de CINN City. Ouais. Suivre son Facebook, ça a l'air d'être pas mal ça, CINN City. Pas mal ça. Pour ceux qui la replacent pas, Stéphanie Gagné, c'est dans le fond l'ancienne Stéphanie Paradis. Dans le sens qu'elle était la co-animatrice des Palmarès, c'est fou. Et elle participait à Assemblage Requis. Elle faisait pas mal ce que tu fais, tu sais. Ouais, mais étais-tu prédatrice en chef? Non. Donc mais bon elle point. Avait une liste. Elle a une méchante liste. Ah, oh, oui, hein. Cool. Elle se l'est fait tatouer quelque part, comme 12 000 tatouages. Ah oui. C'est bon. C'est drôle. Donc, on te salue, Stéphanie. Allô, Stéphanie. Voilà. Bon. Est-ce qu'on retourne au Palmarès? Oui. Girls, girls, girls. Alors, on est rendu au position numéro 4. Et puis, du côté anglophone, c'est Modern Superstitions et Last Night's Dress qui est stable. Mais avant, du côté francophone, on va entendre Boucan de Les Indiens. Ouais, parle le toaster pour faire partir la boucan. Puis, rentre pas ton couteau dedans, là. Non. Tabarouette. Tu mets pas un choc électrique. Réussi. C'est quand tu marches tes tasses, ça? Les graines de tasses. Oh. Modern Superstitions et Last Night's Dress stable en quatrième anglophone. Et du côté francophone, Boucan de Les Indiens qui a descendu de deux places. Je te fais confiance. On avait une idée pendant la chanson, parce que vous savez, Justine procrastine, ça s'en vient plus tard, et elle n'a pas encore complètement fini sa chronique. T'sais. Fait qu'on s'est dit... que ta chronique devrait être basée là-dessus. Genre, j'ai pas vraiment eu le temps de faire mes recherches. Mais c'est tout à fait vrai, c'est ça. Je sais qu'il y a au moins 3 albums, l'artiste que je vous présente, mais je suis pas sûr. Je pense que c'est un gars. Il me semble qu'il est européen. Non, mais ça serait tout à fait mon genre de penser que c'est un band, puis finalement, c'était juste un gars tout seul, ou bien l'inverse. Mais tu sais, ça ferait une bonne idée de sketch. Par contre, si on avait une émission sur nos ondes, mettons qu'il avait l'air de ça pour préparer du tout, ça aurait l'air vraiment fou. What? On n'aime pas personne, mais... En tout cas... C'est une blague. On aime ça faire ça, c'est drôle. Donc, à tantôt, Justine, encore? Ben oui, à tantôt. Moi, je planche là-dessus là, pour vous faire quelque chose de pas trop décousu. Non, décousu, ce qui est un jeu de mots avec l'artiste, peut-être que tu nous présentes. On dit pas c'est qui. Oh! Mais avoue que ça sonne pas pire. Exactement. Vous allez la comprendre. Couture. Vous allez la comprendre tantôt. Hein? Éventuellement. Ouais. La couture, moi. Ouais. Couture. Couture. Oui. Déprimant ce moment-là. On est rendu au 3e place, Steph. T'es sérieux? Ben, je te jure, ça avance vite, hein? Wow. Ça avance vite. Du côté anglophone, ce sera The Vaccines. Et notre, un de nos préférés morceaux du palmarès. Adjuvant. De nos préférés morceaux. Dans le cas échéant, subséquemment... À la H1N1. Quoi? Mais là, on parle de vaccins, puis des adjuvants, puis des affaires, non? Non, vraiment pas, vraiment pas. Soluté et tout, là. Vaccines. Allô, un vaccin? Ah, okay. Non, vous comprenez pas mes jokes de biomède? Non, est-ce que tes blagues sont comme des pilules difficiles à avaler, tu sais? Je sais pas. Docteur Mario, quelque chose, je sais pas. Ouais, joke de Docteur Mario, là. Ça passe très bien. Arrangez-vous avec ça. Donc, c'est ça, ce sera du côté anglophone de Vaccines. Et du côté francophone, Je me touche dans le parc des trois accords qui a monté de 7 places. Non, 8. Non, peu importe. Qu'est-ce que Justine? Tabarouette. En tout cas, je ne savais pas qu'il y avait un titre ainsi. Il se touche dans le parc, là. Oh, ouais. T'es scandalisé. C'est pas mal l'histoire, je te dirais, résumée en quelques mots. Est-ce qu'il faut compter les articles? Je me touche dans le parc. Parc! C'est pas mal assez fou, 81. FM! Essayez pas, AM, ça marche pas. Non. Fini ça. Hop! Je suis pas supposé avoir le dernier mot, c'est supposé être Steph qui a le dernier mot, mais je suis pas capable de retenir. Quand je suis sorti de l'hôpital, je suis sorti en chantant, la rue sentait les pétales. Nous avions l'avenir devant, il y avait un fumet de liberté dans nos nez. Je me trouvais au sommet de la chaîne de gaieté. Les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers débarquent. Quand je me touche dans le parc, les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers débarquent. Quand je verrai enfin l'ambulance se stationner dans la rue, je poursuivrai mes avances sur mon propre individu. Et dans la cabine arrière, je penserai à toi si fort, j'aurai le sourire en l'air. Avec Alexandre, je reste ici jusqu'à ce que l'on vienne me prendre. Je me touche dans le parc, les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers débarquent. Quand je me touche dans le parc, les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers débarquent. Quand c'est fou, les extrêmes de nos amis. C'est F-O-U 89-1. Numéro 3. C'était The Vaccines avec la pièce. Come on, Teenage Icon. C'est un classique, man. Ben, excuse-moi. C'est un classique, man. C'est un classique. Mm-hmm. C'est la voix de Jean-Philippe Charbonneau qu'on entend là, l'animateur d'Assemblage requis. Allô, hey, je suis venu juste pour ce qui s'en vient. Ben oui, ben Colin, c'est son moment préféré, Steph. Toi aussi? Ben oui. Justine, très berette, on la voit en train de se déchaîner. Je capote. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça a l'air vrai. Ben, je sais pas, c'est les meilleurs moments d'Assemblage requis. Oh? Mm-hmm. On est tous ensemble là-dedans, sauf Justine, là, Roger. Hey! Tu veux pas venir le matin, trop occupé. J'étudie. Non, je suis pas réveillée. Ah, voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'Assemblage requis pour la semaine du 22 avril 2013. Grosse semaine de spectacle. Ça n'a pas l'allure de l'impro par-dessus de l'impro, des spectacles par-dessus des spectacles. On ne se retient plus, on sort. Pac, pac, pac, pac, pac. Les gens vont dire qu'à Trois-Rivières, ça ne passe à rien. Uh-huh. Mais comme tu as dit, et je cite, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac. Et les Bourgognes. Elle a bourgogné la semaine passée. Mais... J'espère qu'ils ont pris des vitamines parce qu'ils vont jouer contre les oranges. Ok. Floxinocinilipification. Alors, aujourd'hui, pour la dictée... Donc, c'est un mot de langue anglaise, d'accord, qui veut dire estimer que quelque chose ne vaut rien. Ouais, comme ce mot-là. En direct de Trois-Rivières. en direct d'ici. D'ici. C'est le nouveau slogan de Radio-Canada, mais nous autres, on va le changer, nous autres. Ah oui? C'est pas ici, ça va être... Hey, aujourd'hui, on est le 22 avril, hein? 2 plus 2 égale 4, puis 13 dans 2013, 1 plus 3 égale 4, c'est comme 4-4-4-4-4-1-9, ça, là? Ben, hein? Commande-toi du restaurant de poulet. Ah oui. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Oui, Jean-Philippe Charbonneau est en congé. Aujourd'hui, on dit congé avec en de très, très gros guillemets. Congé de radio. Congé de radio parce qu'il travaille sur son exposé oral qu'il a ce matin. Exactement. Donc, on lui souhaite bonne chance. Oui, gros merde. Oui, une grosse merde. Une grosse bouse, c'est ça, mon VIP. En autant qu'une calculatrice puisse s'appeler Boobies à l'envers, je suis bien content. Boobies! C'est tellement mature. Oui, ben Mathieu est mature, tu sais. Ben oui. Pas de Dans une galaxie près de chez vous, pas de Ramdam dans mon cas, qui était l'émission de ma jeunesse. Ta jeunesse? J'étais vieux pas mal, je sais. Moi, c'est ça. Mais j'ai toujours été un petit peu en retard sur les émissions jeunesse, en fait. Un petit peu retardé. Merci. Dany Janvier est là. Oui. Oui. Oui. Allô? Allô? David Ferro! Salutations de moi, ça. Non, pas partout, pas partout. David, ça va? Bonjour tout le monde. Salut! Ça va? Je sais pas quelle de voix prendre ce matin. Prends le tien, c'est parfait. Ouais, ben il s'en sert rarement. T'en as-tu un chez toi? Je sais pas. C'est qui? C'est Pikachu, ça, version rock? Pikachu, destroy life. Pourquoi tu lui as rappelé ça? Je sais pas. Tu cherches le trouble. On dirait que c'est ça que je veux dans la vie, pour causer des problèmes mentaux. Ça. J'en ai plein, faut choisir lequel. Des problèmes mentaux, oui, tout à fait. Oui, faut choisir lequel est le plus approprié ce matin. Il a failli, David, nous dire le lien entre les chansons hors onde tantôt. Je veux dire, c'est parce que dans la vie radio, il y a le plaisir, il y a le suspense, hein? Ouais. C'est qui, Pence? Ah, je sais pas, je connais. Le suicide, je le connais presque pas. Silence Radio! David, tu veux faire une voix sexy pour annoncer King Sexy Time, s'il te plaît? Alors, on va écouter Kinky Sexy Time sur les ondes de Sifu 89.fm. Waouh! C'est vous! Moi, je suis tout émoustillé, tout trempe. Tu me faisais penser à la bonne femme qui animait là, sur l'oreiller. France Castel? Oui! C'est oh, t'avais yeah! Ta voix de France Castel, je trouve, est un peu sourde. Hey, mais elle revenait de Desvintox. Yes, sir! Une protéine essentielle dans le sperme est moléculairement similaire au venin de serpent. Quand tu dis, est-ce que je sorte le boa de mon terrarium, on peut pas ambitionner non plus sur le pain... béni, qu'on dit. Le pain béni, là, le restaurant. On sur le pain béni. Le restaurant de chez Béni. Béni, ouais. C'est quoi ton animal préféré? Le furet. Le furet. C'est pas vrai. OK. Moi, je suis un gars de chien. Des gros chiens. Gros chiens. Ouais. Furet, j'aurais pu partir sur des raies ou des... Ouais. Non, le poisson. Plate, hein? Le poisson, pas... Le poisson. Ouais, oui. Pas une raie, comme... La raie? Ben non. Oh oui, j'en parlais. L'arche est partie, là. On parle d'animaux de compagnie. Ouais, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est une chronique bestiale aujourd'hui. Anne-Julie Durocher est bien arrivée. Bon matin. Ça va, bon matin. Heureux de te revoir, comme tout le temps, comme toujours. Mais oui, j'étais pas là la semaine passée, mais là, je suis là. Et là, c'est Jasmine qui est pas là aujourd'hui. Mais oui, on n'est pas très fiable, par exemple. C'est ce que ça peut démontrer. Je voudrais pouvoir te contredire. C'est d'amour, hein? On pine ceux qu'on aime. Oui, c'est ça. C'est bien connu. Oui. Donc, On se retrouve sinon jeudi prochain à 8h. Oui. Pour l'autre avec Kellenex. Oui. Tu vas être là? Ben oui. Fait qu'on fait ma dernière. Ouais, ouais. D'avoir fini la GE et tout ça, là, fait que j'aurais pas de raison. Fuck la GE. Oh! Non! Quelle émission est-ce que c'est déjà ce qu'il joue là? C'est, hein? Parce que moi, j'ai juste entendu une pub qui dit Assemblage Requis dans Assemblage Requis. J'ai entendu l'intro qui dit lundi à Assemblage Requis. J'ai entendu nous qui parlaient d'Assemblage Requis. J'ai entendu le bumper qui dit Assemblage Requis. Assemblage Requis présenté par l'émission les matins de Mathieu. Les matins. On appelle ça une masse à doigts. Parce que dans le dictionnaire, c'est vraiment une salade de légumes. Ça pourrait être aussi des bons titres pour le dîner de con. À la place, ça pourrait être salade de légumes. Ça serait pas pire aussi. Ben oui, tout à fait. Tu sais, dîner de con, salade de légumes, j'aime ça. Ça sent beaucoup. On prend ça. On garde ça en note. Merci à toi, Jean-Philippe. Merci à toi, Mathieu. Toujours un plaisir de se réveiller avec toi. Tellement, tellement. Bon, on se réveille pas ensemble. Mais on se réveille quand même. Si seulement. Seulement, hein? Ben, je suis surpris, je pensais que toi et Jean-Philippe, ça s'était concrétisé, non? non, pas encore. C'est encore dans les fantasmes. En suspens, comme C'est kippant. Une joke qu'on a fait dans le montage déjà, fait qu'on la répétera pas, mais t'es bien bonne. C'est les meilleurs moments d'assemblage requis, lundi au jeudi à 7h à 9h avec Jean-Philippe Charbonneau qui nous a fait l'honneur de sa présence tantôt. On quelques l'aime. Secondes. À peine, mais c'est un gars occupé, hein? Ben oui. Busy, busy, busy! C'est un boss. Merci, Justine. Mon apport est crucial. Ben vraiment, t'aides beaucoup à la pertinence de cette chronique qu'on appelle... Principalement, oui, la pertinence. Un instant classique. Donc, c'est ça. Lundi au jeudi, 7h à 9h, Jean-Philippe Charbonneau et moi, plein de chroniqueurs, dont Stéphanie, mais pas Justine. Ben non! Pas Justine, n'est pas là. Je suis pas réveillée. Par contre, elle va être dans la version estivale de l'émission, sûrement. Oh! Hein? Ouais, la version estivache de la... Ah, hey, wow! La vache est sortie de ça. Pas de vulgarité. Si, pas de vulgarité. Donc, on en parlera plus tard de cette émission d'été qu'on va animer ensemble, mais on donne pas trop de détails. On en laisse tomber une fois de temps en temps. On essaie de vous mettre l'eau à la bouche. Hein? Ou le lait au pis. Oh! Comme une vache. Moi, je sais pas boire direct après le pis. Pas fan. Pour l'avoir déjà essayé. Non. Je suis certaine que je serais pas fan. C'est mieux comme ça? Je suis plus sûr. Donc, on s'en va. On retourne au palmarès, en fait. Non. Est-ce qu'on y retourne? Le temps est long. On peut y retourner, hein? Tout le monde? On y va? On pourrait. On y va. On s'en va entendre les positions numéro 2. Du côté anglophone, c'est Hello John, ce qu'on adore, avec Venus at Your Back Door. C'est en position stable. Mais tout juste avant, du côté francophone, on va entendre La drogue en moi de Rock Forest. Ça a monté de 6 places. Vers l'intérieur de toi. La drogue en moi a monté de 6 places. Dans ton corps, je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est rendu au fouet. On s'en parle une autre fois. Non, c'est plus drôle. C'est fini. C'est fini le drôle. Hein? Ça n'a pas été drôle depuis un mot du bout de peine. We'll be right back. Ça, c'est tout un trip. C'était Hill Johns et Venus at Your Backdoor, stable en deuxième angle fun. Et parlant de trip, tout juste avant, on a entendu La Drogue en moi de Rock Forest. Ah. Ah. Ouais. C'est la deuxième heure qui se termine. On se quitte et on revient tantôt en troisième heure avec Justine Procrastine. On l'a assez remis à plus tard. Là. Ah ben là, j'ai fini, j'ai fait mes devoirs. Il y a au moins plusieurs albums. Puis t'es prête? Tout renseigné? Oui. Good. Ben, oui, c'était un gars ou une fille? C'était un gars. Hey, on a des détails. Plus de pertinence au retour. Les paroles, c'est fou. Autrement. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. C'est la troisième heure des Parleurs assez fous pour la semaine du 22 au 28 avril 2013. Elle est Stéphanie Paradis. Oui, c'est Mathieu Plante. Et Justine Renaud est toujours là aussi. I am. Yes, you are. You are. Oui. Who's the little Justine Renaud? Oh! C'est même pas moi qui ai fait ça. C'est Stéphanie qui a répondu à ma place. Je trouve ça cute comme façon de dire. C'est cute. Qu'est-ce qu'il y a sur ton micro? Du poil. Juicy Juice a des poils sur son micro. Oui. Pas mal de poils. Une thérapie hormonale quelconque. Je savais pas que mon micro voulait changer de sexe, mais bon. Ah ben voyons là. C'est rendu velu, c'est velu. Velouté. Velouté de champignons. Oh, ben oui, il y a des champignons. Oh non! Oh, oh la pas chanceuse, son micro s'est arraché. C'est correct, c'est comme d'habitude. C'est comme on cueille des micros, ça. Écoute, vouliez-vous juste mettre une chanson? Quelque chose pendant que je revisse mon laisse micro? Laisse-le prendre et prends le 4, s'il te plaît, pendant qu'on part ton intro, parce que c'est à l'instant une chronique qu'on nomme. Attention, c'est le moment de Justine Procrastine! All this talk, all this ticking, all this shit talk kicking in my head, I'm staying in bed today. And it doesn't matter what the app you say to me, or do not care just what the app you say to me. Bum bum bum bum bum bum da da bum bum bum bum. Hey! Moi, j'aime tellement mon intro. Hey, ça faisait quoi, 2 mois qu'on l'avait pas entendu, en plus? Je sais, ça faisait vraiment longtemps. Là, j'étais en manque et j'ai eu besoin d'un fixe, alors me voilà ici aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça que je suis là. C'est parce que je vous aime. Ben, nous autres aussi, Colin, hein? C'est motivé par l'amour. Oh. C'est pas une belle motivation, ça. C'est très, très beau. Donc, ça fait, comme on disait, tout plein de temps qu'on s'est pas vu. Et c'est ta deuxième chronique, je crois. Ouais, c'est juste la deuxième. Ça paraît pas, mais... Ben oui, mais en fait, il faut pas oublier le concept. C'est juste, à chaque fois, j'étais censée vous demander, ben cette semaine, comment avez-vous procrastiné? Comment avez-vous perdu votre temps? La dernière fois, je pense que c'était le sommeil. Oui. OK, mais là, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine pour procrastiner? Tabarouette, à fret de même, là, tout plein de choses. Je sais pas. Une, je choisis en une. Oh non, moi, c'était ma vaisselle la dernière fois. T'as fait la vaisselle à la place de faire quelque chose de ben important, là. Le ménage, c'est tout le temps quelque chose. Moi, j'ai bien de la misère. Moi, je fais jamais le ménage à part quand je procrastine. C'est ça, quand j'ai mieux à faire. Je pense que je sais ce que j'ai procrastiné. L'achat d'une petite trappe à fourmis. Mais c'est très, très localisé. Ils se tiennent juste comme dans le même petit coin. Fait qu'ils me dérangent pas vraiment, tu sais. C'est vraiment comme un power de fourmis. Mais il y en a pas beaucoup. C'est comme une de temps en temps. Je suis comme, oh, c'est pas grave. Là, ça fait longtemps que je n'ai vu. Il y en a plus. Là, j'en vois une. Je fais comme, oh, faudrait que j'achète des trappes. Là, j'en vois plus. Je suis comme, oh, ben, coudonc, pas besoin. Hey, moi aussi, je fais ça. Ben, écoute, en tout cas. J'ai acheté finalement. T'es acheté? Ouais. Mais t'es pas une vraie procrastinatrice. Oui, mais ça a quand même pris 2 mois. Tu sais quoi, faut jamais que tu te rendes. Faut jamais que tu le fasses. Moi, si je suis. En termes de procrastination, ça s'en va à la non-exécution des tâches que je devrais faire. OK, parce que sinon, j'allais dire, c'est gagner le million, je le remets plus tard depuis toujours, ça, depuis 30 ans. Mais tu sais, j'étais sur place, puis ils étaient là devant moi, j'ai failli pas les acheter. Tu sais, j'étais allée avec quelqu'un d'autre, ça a donné que je suis tombée en avant de tout ça. Quand ça donne, on est content. C'est ça. En tant que c'est un peu hasard, là. J'ai fait aucun effort, là. Ah, bon. Moi, je te dirais que ce que j'aime, c'est magasiner des choses que je sais que je peux pas me permettre. C'est de magasiner des trucs que j'ai pas l'argent pour acheter. Je regarde, je lis les critiques, je regarde les vidéos, mais je l'achète pas parce que j'ai pas l'argent pour. C'est pas de la procrastination. C'est pas de la procrastination, c'est juste être pauvreté. C'est ça que je fais pour pas faire les choses que je devrais faire. On devrait faire. Ah, OK, mais c'est quoi que t'as pas fait? Magasiner. Oh, quoi? Pas grand chose de bien précis. Il y a rien fait. Sinon, il y a aller voir l'impro qui nous a fait remettre à plus tard les choses. J'imagine. Bon. Vite couple. Vite couple, on bat ça. On met ça de côté, il faut aller à l'impro. Ça glace. Excellent. Moi, ouais, c'est super. Je voulais avoir un peu de vos nouvelles. Ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. Je savais pas où vous en étiez dans votre procrastination. Faut dialoguer. Oui, faut dialoguer. Et moi, cette semaine, en fait, j'ai procrastiné au sujet d'un... J'ai procrastiné au sujet... Sur ton sujet de chronique, t'as procrastiné jusqu'à la dernière minute. J'ai procrastiné sur mon sujet, en fait. Un artiste que j'ai découvert il y a pas très longtemps, mais que j'adore, je capote dessus. Pour utiliser un français impeccable, je capote raide. Et dans le fond, c'est Wax Taylor. Alors, Sir Wax Taylor. Sir Wax Taylor. Comme Sir Paul McCartney, mais c'est littéralement de la cire. Exactement. Wax Taylor, que j'ai découvert, en plus de détails, ce n'est pas un groupe, mais bien un individu. Donc, c'est un homme unique et un seul. Puis, c'est le pseudonyme que s'est donné Jean-Christophe Le Sou. Oui, ça fait vraiment Jean-Christophe Le Sou. JC The Drunk. JC Drunk. Ça serait plus rock. Mais je pense que Wax veut dire quelque chose, genre, tu sais, William Arnold Xavier. Peut-être le... Non. Ça m'a pas. Crie. Je ne sais pas. Les grillons ne sont pas d'accord avec toi. Mais ce petit gars-là, il est né en 1975. C'était né quand, toi? Ben quand là, t'es plus jeune que ça. On sait, je suis rendu à 30 ans déjà. Mais on l'a dit tantôt en plus. Je sais. C'est quoi, c'est 1983? 83, oui. 83? OK, ben lui, il a quoi, 8 ans de plus que toi. Félicitations. Ça fait de lui un 38e. Et ben, c'est un Français, en fait. Vous l'auriez su par Le Sou. Jean-Christophe Le Sou. Là. Il y a bien juste des Français pour s'appeler de même. C'est vrai, hein? C'est comme on a un animateur ici qui s'appelle, son nom de famille, c'est Le Tout. Ou La Tout, quelque chose du genre. Le Tout. Les Français ont vraiment des noms de famille incroyables. Moi, j'en ai une dans mon laboratoire que je salue. Son nom, c'est Marion Tailleul. On l'appelle tout le temps Marion Tailleul. C'est normal, comment ça s'écrit? T-A-Y-O-L. Tailleul. Vraiment aussi simple que ça. Hey, tu sais qu'une professeure, et là, on a plein de gens qui travaillent ici, puis soyez pas offusqués, c'est vraiment non, juste pour le aime. Fun. Mais il y a Madame Manègre juste à côté. Oh. Manègre? Oui, Manègre. C'est beau. Elle travaille à côté de nous autres. Mais tu sais... Raciste. Mais non, mais tu sais, on l'a jamais vu, non. Mais c'est sûr que si elle est pas noire, je suis déçue. Là. C'est ça. Bonjour, Madame Manègre. Comment? Mais c'est beau, je trouve ça beau. C'est beau. C'est très beau. Mais c'est que ça porte à confusion un peu sur les... Elle est peut-être chinoise. Peut-être. Est-ce qu'on revient à ma chronique de laquelle je procrastine? C'est plus drôle ce qu'on fait. Oui, mais Jean-Christophe Le Sou est quand même un sujet très intéressant, oui. Car il est non seulement auteur-compositeur, mais aussi ex-animateur de radio. Ah, ça me tel toi, moi et Stéphanie et tout le monde. Hein? Tout le monde qui écoute sont tous animateurs à la radio par association. Oui, c'est ça. Lui, il était ex-animateur de radio dans son jeune temps, là, quand il avait pas 30 ans. Et, c'est boss. Il est aujourd'hui aussi manager français de musique et producteur de musique avec son label Lab Oratoire. Laboratoire! Tu t'entendrais bien avec, peut-être. Oui, peut-être. Alors, Jean-Christophe Le Sou est connu pour mélanger le trip-hop, le hip-hop et ou bien encore le down-tempo. C'est quoi le down-tempo? N'importe quelle musique. Ça se rapporte avec l'abri-tempo? C'est ça. Fait que démonter son abri-tempo, ça fait une sorte de musique de cacling, cacling. C'est ça, le down-tempo. Non, c'est n'importe quelle musique qui est en bas de 90 RPM. Beats per minute, là? Oui, pas des comme roulis. Les chars. pas des chars. So galloper. Excuse-moi, j'écoute trop souvent à RPM, à VTélé, cette somptueuse télé super. Ça, ils n'utilisent plus tellement le nom d'origine qui était Roulé avec Pierre Michaud. Genre, ils s'en servent plus vraiment. T'sais. Ils disent RPM, c'est pas mal plus cool que Rouling avec Pierre Michaud. Pierre Michaud? Ouais, c'est ça son nom. Hein. T'es pas genre d'hiver? Non, mais il y a non, pas c'est Chose Michaud. Ouais, c'est ça. Il s'est poussé une barbe. Mais c'est vraiment Roulé avec Pierre Michaud. C'était vraiment ça le nom à la barbe. Ah, oh, ça me dit bien. Moi, je trouve que c'est une émission qui a quand même de l'allure à vie. Je trouve ça le fun. Si je veux magasiner un char, là, j'écoute ça. Là, tant qu'il regardait des gens se pitcher en bas d'un plongeur, d'un truc à plonger dans la piscine. De quoi parle-t-on? Avec Benoît Gagnon. Là, hein? Tant qu'à ça. Hey, mais on revient à notre sujet. On en fait dessus des parenthèses. Hein? Notre sujet, c'était Wax Taylor. Son vrai nom, Jean-Christophe Le Sou. Il fait du hip-hop, trip-hop, down-tempo. Mais avant, il a fait ses débuts dans le rap français, duquel il s'est rapidement lassé. Il trouvait ça un peu plate. Donc, il s'est lancé dans son propre projet individuel. Et c'est là qu'il a entrepris la musique sous le nom de Wax Taylor. Et c'est donc après deux EP qu'il sort son premier album, Tales of the Forgotten Melodies, en mars 2005. Et l'album reçoit d'ailleurs de très bons échos. joue avec la vis. Je suis désolée. Je vous rappelle vis. Que tout en onde, elle joue avec la vis en onde. Non, je vous rappelle tout à l'heure que mon micro a débarqué, fait que je jouais avec la vis du micro débarqué. mais c'est pas de l'album Tales of the Forgotten Melodies que je veux parler aujourd'hui. C'est surtout de son second album Hope and Sorrow, qui est sorti en 2007, oui, qui a été suivi après par son troisième In the Mood for Life et enfin son plus récent Dustin Rainbow for the Dark en 2012. Mais l'album Hope and Sorrow, c'est vraiment une œuvre d'art qui a été acclamée là, internationalement et c'est justement ça que je voulais vous faire entendre aujourd'hui. Deux de ses chansons, vous allez voir, elles sont absolument somptueuses. La première, The Games You Play, avec comme artiste invité The Voice. When I was a kid, we used to play a game. Après que le petit monsieur ait parlé, je vous fais entendre cette magnifique chanson. À l'écoute, avec Justine Procrastine. Moi, je procrastine d'arrêter de parler, là, puis je vous jure, là, je vais arrêter quand elle va commencer à chanter. Puis là, non, faut que j'arrête tout de suite. Hein? C'est fou? Je suis folle? Tout le monde est fou? Featuring the... Featuring The Voice, c'est featuring de Charles Lafortune, c'est ça? La voix? Sometimes I flow staccato, strip you up vibrato, while you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play, and the traps you lay, not fit to fall in, but I'll let you play them anyway. Sometimes I flow staccato, strip you up vibrato, while you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play, and the traps you lay, not fit to fall in, but I'll let you play them anyway. Sit, hear the clock tick, watch the leaves on the plant flick from the fan above the room and I lit. Head trip deliberate, cease fighting the feeling and submit, flow with it like the path pre-existing, hidden codes masonic, they peep us like a webcam from the pyramid's attic, pass from hand to hand, let's say coincidence, or better yet sixth sense, my instincts telling me to back up from that handshake that was intense, my instincts telling me to back up from that handshake that was intense, brush it off and commence, blame it on myself tripping till the shit hits the fan, cause I steer from the plan, about face and Billie Jean step into place, throw my coat on the hook, recap the time that I waste. I know that spitting's a bad habit, but I can't help the taste. Still searching for the clues as it becomes a cold case. Procrastinator till I think to remove the sheet from your face. Reveal the naysayer. Sometimes I flow staccato, strip you up vibrato, while you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play, and the traps you lay, not fit to fall in, but I'll let you play them anyway. Sometimes I flow staccato, strip you up vibrato, while you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play, and the traps you lay, not fit to fall in, but I'll let you play them anyway. Do this to me. Me, me, me, me. Don't you ever get tired of thinking about your dope, greedy, small self? Saying nada, sweating, getting hotter, change it to my bother, I'm about to rip you up, such a control freak, you mouth the words I speak, you got your nerve, you question me, but you ain't even listening, your world is make-believe, but I keep pretending that I'm flexible, so you think your wheels got me bending, putting all your energy into negativity, you're holding over me while you steady scheming, but I'm making moves while you sleeping and dreaming of being larger than life, your own hype you believe in, believe me, well now, you've been faking the funk since the beginning. Too many chapters and now to rewrite and fix the ending. Besides, you question what kind of message that be sending. That choose to jump, punk, what, so what? I care not of the roles you choose to play. By the way, I'm sure of a beginning and an end, but everything in between is all gray. All gray, all gray, all gray. Sometimes I flow staccato, strip you up vibrato, while you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play, and the traps you lay, not fit to fall in, but I'll let you play them anyway. Sometimes I flow staccato, strip you up vibrato, while you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play, and the traps you lay, not fit to fall in, but I'll let you play them anyway. Understand this game. Sometimes I get a tune in my head like that, and pretty soon I hear somebody else humming it, too. I remember. It's on the tip of my tongue. Here's the tune. I can't get that tune out of my head. Like that? You like that? I think tunes jump from head to head. Here we go. Here we go. Number you like to hear? I would like to hear them. Music. You could make it play again. Will you please listen? I practiced for 10 days, 12 hours a day. All right, boys. One, two. Here we go. Do it again. Est-ce que t'as repris celui qui était décroché tantôt? Ah! C'était The Tune. Tu me l'as pas dit. Est-ce que tu m'avais entendu à distance? Ça fait vraiment un effet écœurant. Tu peux prendre les deux en même temps? Tu peux prendre les deux en même temps? C'était The Tune. Non, c'est pas très beau. Donc, Justine Renaud, bien entendre, c'était donc Wax Taylor. Je m'excuse pour la confusion. Moi, j'ai... C'est pas grave, c'est pas ma faute. Je change tout le temps de micro, faut pas que je le fasse. Faut pas que je fasse ça. Ben oui. Hein? Donc, la chanson de Toon, précédemment, on avait entendu The Games You Play de l'artiste Wax Taylor, qui est en fait, j'avais pas précisé, en fait, c'est acteur dans ma tête qui faisait de la musique et qu'il ne chantait pas. Or, lui, il fait beaucoup de sampling. Donc, tous ses textes sont soit samplés, soit c'est des artistes invités. Comme la première chanson, c'était l'artiste invité The Voice. Mais pas, je parle pas The Voice dans le sens de la télé-réalité. Son nom d'artiste, ça fait longtemps qu'elle traîne avec elle. C'est vraiment juste une rappeuse qui s'appelle Voice. Mais c'est un peu bizarre de s'appeler comme La Voix. Je suis La Voix. Elle a quand même une très belle voix. Mais c'est mais là, une rappeuse un hors pair qui s'habille. Ouais. On va respecter le fait qu'elle s'habille. Mais pourquoi ça, les autres s'habillent pas? Non, les autres s'habillent pas. Okay. Ils s'habillent à moitié. Okay. Ils s'habillent à moitié. Ils ont beaucoup trop de... D'atouts? Oui, ils ont beaucoup d'atouts. Beaucoup d'atouts partout? Oui. Mais vous avez pu entendre par ces deux chansons-là ses principales influences qui sont la musique noire américaine et la pop des années 1960. Et qu'il y en sample beaucoup. Fait qu'on entend vraiment une espèce de fibre très genre... moi, je me crois en Nouvelle-Orléans à chaque fois. Je vois des vieux monsieur afro-américains sur leur galerie avec un fusil en train de se bercer. Là. Le cliché, hein? Non, mais c'est en 1960. Non, son père camisole blanche. Okay. Demi, il était avec une chemise. Il était propre. Dans son rêve, là. Dans mon rêve. Dans ton rêve, ouais. Ben, j'ai pas rêvé à ça, vraiment. J'ai des rêves plus intéressants. Pas de rêve à battre. Hein? Mais ouais. Je l'adore. Wax Taylor, là, un album excellent si vous voulez ça. Voyons, faut que je l'avale. Bon, tiens-nous au courant de chaque fois que t'avales. Ça va être long. J'ai pas les sons, mes amis. On l'a perdu, je pense. Oh non! Le genre de truc que tu veux pas qu'arrive en onde. Non. Oublie d'avaler. Ah. Oh. Puis que là, c'est le réflexe qui embarque. Puis là, voyons, en tout cas. C'est chic, alors. Oh mon Dieu. Je voulais vous dire autre chose avant de vous... je vous quitterai pas en tant que tel, là, mais j'ai été voir Rien ne m'a fait en fin de semaine. Oh. Oh. C'était vraiment bon. Parlant de la voix. Parlant de la voix. Tu vois, je vais parler de la voix. Hey, on avait super parce que, ben, en fait, je vais vous avouer, c'est juste une opinion que vous n'êtes pas obligé de la partager, mais moi, j'en ai rien à faire, j'en ai rien à cirer de la télévision, la télé-réalité, ouais. La voix. J'ai vraiment aucun intérêt pour ça. Or, j'avais vraiment peur que ce soit Valérie qui fasse la première partie. Eh bien, non, c'était David Gigas. C'était excellent. Il était accompagné par une espèce de choriste back vocalist à sa droite. C'était vraiment excellent. Mais je pense qu'Ariane Moffat le sait que d'être associée à la voix, ça va nuire à sa carrière d'indie si elle continue de s'associer avec eux autres trop longtemps. C'est peut-être qu'elle sait qu'il faut qu'elle reste le plus possible dans le ground. J'espère qu'elle sait. Mais la salle était pleine. Les gens se sont levés quasi pendant au moins la moitié du spectacle. Et elle avait beaucoup d'énergie au début, beaucoup d'énergie à la fin, mais entre les deux, on sentait une petite fatigue parce que c'était son troisième show en trois jours. Okay. Et si on se souvient bien, ceux qui étaient là aux soirées cachées, c'est fou, Fanny Bloom avait dit qu'elle allait faire les background vocals à Ariane Moffat. Ben, c'était même pas vrai. Bon. Menteuse, Fanny Bloom, menteuse. Pas à tous les spectacles. Ben, c'est ça. Ouais. Non, elle était censée faire la première partie. Elle faisait les premières parties d'Ariane Moffat. Puis là, paf, de même, c'était David Giger. Puis ses background vocalists, ben, elle n'avait pas. Bon. Quel dommage. Ça pour dire aussi qu'on avait une autre nouvelle, là, ça a fait les manchettes. Est-ce qu'on peut en parler ou est-ce que c'est trop morbide? Non, allons-y, c'est le fun, c'est divertissant. Non, ça a déjà été fait, ça. C'est vraiment, je sais. Et divers extrêmes, c'est pris par le dîner de con. Fait que ça, c'est, c'est nouveau, j'aime ça comme expression. Des faits divers extrêmes. Un dîner de con. Tous les jours, 11h. Oui, vas-y. Ils ont ça, mais ils ont peut-être pas couvert le fait qu'il y a de ça, quoi, quelques jours. Le 19 avril, ça fait quoi, 6, 7 jours? En tout cas, il y a une fille. Elle textait dans le métro de Montréal à la station Monk. Ça, à date, tout le monde fait ça. Au moment de vouloir embarquer sur le wagon, elle textait, elle regardait pas où elle allait. Elle est tombée en deux wagons. Mais elle avait 20 ans. Elle avait 20 ans, elle est tombée en deux wagons, morte électrocutée. Elle s'est fait traîner pendant deux stations avec qu'on s'en rende compte. On dirait pas vrai, mais c'est triste, mais... Si tu faisais... Hey, c'est un peu ironique, mais c'est de la manière qu'ils disent aussi dans l'article qu'ils excluent le suicide parce que c'est pas une façon c'est comme trop cave, traditionnelle comme suicide, de le suicider. Si tu veux te suicider comme ça, t'es vraiment un cave. Tu veux avoir, après ta mort, tout le monde contre toi. Il n'y aura pas de pitié là-dedans. Là. C'est de la sélection naturelle. Ah, c'est la loi de Darwin. De la sélection naturelle à son état pur. Et si tu te suicides, tu finis au moins ton texto avant de te lancer dans le vide. C'est ça, elle était en train C'était de... « Ah! » Un peu. C'est bien drôle que personne s'en soit aperçu, par exemple. Mais quoi que la station manque non, mais t'es pas particulièrement. T'es pas mal proche du bord, là, quand... Je veux dire, c'était pas... Moi, je sais pas. Oh, tu sais, elle devait être carrément en dessous des wagons, là. Y a personne qui voit ça, là. Je sais pas. J'imagine qu'après deux stations, elle s'est comme détachée, puis quelqu'un l'a vu traîner. Non, ils ont vu du sang. Ils ont vu du sang, c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un corps. T'exploses complètement là-dedans. Wow. C'est n'importe quoi, mais j'espère qu'elle est morte électrocutée. Là. Elle ne doit pas l'avoir senti. Ben, ça devait sentir le brûler, par contre. Oh. Il devait vraiment pas avoir de mort pour que personne s'en aperçoive. Là, on ne sait pas. C'est non, mais pas cool. Ben, c'est ça. Fait que moi, je procrastine la fin de mon épisode de cette semaine. Cette période. C'est bimensuel. Cette chronique qui ne se termine pas. Pas bimensuel, c'est complètement du bord gay sexuel. C'est pas bi. Non, c'est pas bi, c'est gay mensuel. C'est mensuel, pas sexuel. C'est ça que ça voulait dire. Wow. Oui, l'être bimensuel, c'est. Oui, oui. On a. Hétéro-mensuel. Lesbimensuel. Lesbimensuel. Yeah, l'on l'a. Ah, hey, c'est ma chronique lesbimensuelle. Pour vrai? Ouais. Lesbéton, cet été, tu renommes ça lesbimensuelle, non? Non, non, je fais pas lesbéton parce qu'il n'y en a pas assez de groupes gays. Tu fais pas lesbéton cet été, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais faire Justine Procrastine parce que sinon, je vais avoir fait genre trois épisodes de Justine Procrastine. Non, je comprends, mais là, moi, lesbéton, c'était le fun, je trouvais. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il y avait à parler de ça? Parle une petite nouvelle gay à la fin, comment? Ben. Ah, laisse faire. C'est ce que tu veux, c'est ta chronique. Hein? Ah, ben, saviez-vous que la France a légalisé le mariage pour tous? C'était et juste un peu avant, la Nouvelle-Zélande aussi. Ah, ça, c'était magnifique, je savais pas. Oui, ça, c'était vraiment très, très beau parce qu'en assemblée, ils ont chanté la chanson Maori, je sais pas quoi, au sujet de l'amour ou blablabla. C'était magnifique. J'en ai pleuré tellement j'ai trouvé ça beau. Oh, c'est vraiment, vraiment beau. Bravo à tous ceux qui ont déjà légalisé ça. Et Non, personne applaudit. Fallait-tu continuer parce que là, j'ai l'air d'une poule pas de tête. Là, on va trop loin dans l'absurdité ici, je pense. Merci, Justine. Ah, écoute, ça m'a fait plaisir. J'étais rouillée, hein, ça paraissait pas, j'ai oublié d'avaler. J'ai brisé le micro, je prenais pas le bon micro. T'as bien fait ça, arrête donc. Justine, la gaffeuse. Ouais. On continue tout de suite avec nos positions numéro 1. C'est là qu'on est rendu. En fait, ça fait bizarre. Mais on continue au PC. Ben oui, ou au Mac, comme je préférais, moi, ici. Donc, on y va avec ça ici. Attention, on vient au palmarès. Hein? Oh. On vient dans les palmarès, c'est fou. Numéro 1, donc moment des jeux de mots inconfortables. Oh. On aime ça. Parce que là, je m'emballais. Je pensais que je m'en allais en pause. Je me disais, attends un peu, ça ne fera pas la pause là. Je m'emballais comme du Saran Wrap. Saran Wrap. C'est numéro francophone, ça rend rap. Tu l'as pas fait la semaine passée, ça? Sûrement. Et y a-tu d'autres affaires avec ça rap? Il n'y a pas RBO qui avait fait ça rend rap. Ça rend rap. Ah, ça aurait été pas pire. Ça me rend rap. Un peu comme Wax Taylor aurait pu me rendre rap très, très facilement. T'sais. Ça aurait été. Tu sais, on faisait dans l'absurdité tantôt. Dans l'absurdité. Absurdité égale divinité. Parce que c'est tellement bon, c'est comme ça vient du paradis. Stéphanie Paradis. Hein? Absinité. Mm-hmm. Absinité. Absurdité. Divinité. Stéphanie Paradis. Absinité. C'est comme ça. Ouais, je t'absinite, là. Tu m'absinites. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je sais pas, c'est pas grave. OK. C'est pas grave. Non, mais c'est ça. Du côté francophone et du côté anglophone, tout est stable. Fait que là, j'ai l'impression de me réveiller à tous les jours. Et c'est tout le temps les mêmes pièces qui sont numéro 1, tu comprends? Je me réveille tous les matins. Et c'est tout le temps la même pièce. Est-ce que tu la comprends? Oui, ça, je la comprends. C'est ça, t'as pas de difficulté ou quelque chose d'ardu ou d'arcy. Là, je suis plus capable de le faire, ça. OK. Ah, vas-y. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris... Tout le monde encore, comme toujours. Une chance que j'ai ma feuille. Une chance, hein? Donc, en première position anglophone, c'est le c'est la même chose la semaine passée, on ne se le cachera pas. Thomas Darcy avec « I wake up every day ». Et du côté francophone, c'est aussi la même chose que la semaine dernière, c'est « Absinité » de Saran Rap. J'aimerais bien ça vous autres, trouver les jeux de mots différents à chaque semaine, quand c'est tout le temps les mêmes numéros 1. Ah, mais moi, j'ai jamais prétendu que j'étais capable de faire ça chaque semaine. Non. C'est vrai. Tu parlais pas à travers ton chapeau. Non. Chapeau comme Abraham Lincoln portait dans le temps. Vas-y. C'est le nom de l'album du côté francophone. Ah! Justine? Mais j'ai rien à dire. Bon. Ben, c'est pas ce que je cherchais. C'est pas ce que je voulais entendre. What We Want, qui est le nom de l'album anglophone. Tu vois, j'ai réussi à intégrer les noms des albums. Comme Poppy. Okay, bravo. Comme Poppy. On s'entend. C'est les pommes racines. Oh, rappelle les positions numéro 1 de chaque bar. Avant de dire le numéro 1, par contre, on fait un petit récapitulatif du top 3. Du côté anglophone, c'est The Vaccines avec Teenage Icon. En deuxième, c'est Illotrons et Stable, Venus at Your Backdoor. Et on vient d'entendre, en première place, Thomas Darcy et I Wake Up Every Day. Du côté francophone, en troisième place, c'était Je me touche dans le parc des trois accords qui est monté de 8 places. En deuxième, La drogue en moi de Rock Forest. Et finalement, en première position, Absinthe de Sarah Arap. Et voilà pour le top 10, en tout cas, qu'on vient de se taper. Là. Quand même, on l'a joué au complet. Top 10, on aime ça. Badabum, badabing. Il nous reste encore le petit entre-deux entre les nouvelles entrées et le top 10. On va se faire ça dans la portion additionnelle de l'émission. Il nous reste encore une bonne 25e de minutes ensemble. Ouais. Justine va être là aussi. Oui, je serai là. Stéphanie Paradis. Toujours. Mathieu Plante, tu restes là? Ouais. J'espère, je connais pas la console. Il se passera plus rien, là. Oh, ça va être un gros silence radio. Ah, il va falloir que tu nous consoles après. La console! Et pas pire. Reste là. C'est fou, les extrêmes, ça nous anime. C'est F-O-U 89 1. C'est toujours les palmarès assez fous, c'est la dernière demi-heure de l'émission, toujours avec Stéphanie Paradis. Et toujours avec Mathieu Plante. Justine Jussi-Jus, Renaud. Oui. Et là, oui. Toujours là. Ça va? Oui. Toujours? Yeah. On rock la dernière demi-heure? La meilleure? We're gonna rock that thing. Gonna rock that? Shh. Shh. Début de shit, ça. Non. Non. Je pensais que c'était chemise. Ouais. Ah, on va rocker la chemise. Chemise. On va se déboutonner les... On va se déboulonner. Comme Zelda dans le temps. Ah, oh, Zelda! Il y avait des chemises. Tombez là, tombez, tombez. Ah, qu'est-ce que cette chanson-là? Ouais, c'est ça. Ah, ouais, c'est quoi ça? Zelda la princesse. De quoi vous parlez, là, tombez la chemise? Ah, OK. La chanson? Je sais plus. Il laisse tomber sa chemise. OK. OK. Donc, bloc A de cette dernière partie d'émission, on va entendre plus tard là-dedans The Strokes ainsi que... Minotaur. On va débuter avec la position numéro 13, Franco. Qui est rouge pompier avec la pièce Paul. Bon, donc enlevez votre chemise, déboulonnez vos boulons, hein, et insérez-en un token dans la slot machine de C'est Fou. OK, OK. Tu comprends le principe de ce que je m'en viens bon, faire? Ouais, c'était... Parce que si on se rend à peu près dans le token comme ça... Big, big, big winner! Coincé dans la fenêtre, l'autre bout dans l'échappement, la porte de garage bien fermée, celle de la maison également. Qu'est-ce que tu fais là? Cher Paul, aimable, sportif, sens de l'humour, dépendant au jeu du hasard. Le casino, il connaissait ça. C'était vraiment lui le meilleur pour pouvoir prédire si la machine paierait ou pas. Sauf cette fois-là. Dommage. Maintenant, Paul, maintenant que tu es en retraite forcée, laisse-nous te saluer. Toi, tes amis, tes enfants et ta femme, viens-tu s'exprimer avec les bons mots en te trouvant?

C'était The Strokes, c'est All The Time. C'est la position numéro 17, anglophone. Et en 15e place, anglophone, c'était New Believers de Minotaurs. Oui, et on a débuté ça avec Rouge Pompier et Paul en 13e franco. Là, on a compris qu'on est dans le bloc entre les nouveautés et le top 10, là, dans l'accessoire, la portion accessoire. On est dans le freestyle. Freestyle, free-for-all de Popcorn Popping Cracker Jack. Ça sent le popcorn apparemment. En tout cas, j'espère que c'est vrai. Sinon, ça a l'air qu'il y a des hallucinations olfactives. C'est un cancer du cerveau. Pas nécessairement. Mais hey, ça me tente pas. Ça me tente pas de mourir, là. Ça tente pas. J'ai plein de choses à faire. Mais voyons. J'aimerais ça manger du barbecue cet été. Non, c'est pas. Faut que j'ai nourrir mon chat. Hey, elle a des grands buts dans la vie, c'est qui est le fun. Ben, nourrir le chat, c'est assez important. Comme moi aussi, là. Sinon, il va aller me déterrer sur ma tombe. Non. C'est fini, là. Tantôt, je disais que je suis rendu dans la trentaine. Tu sais, j'ai d'avoir 30 ans. Mais oui, on le répète encore. C'est l'aboutissement. C'est ça. Ouais. Tantôt, j'ai dit, je suis comme à la moitié de ma vie. Là. Steph a dit, coudonc, soit tu sais pas compter, soit tu veux mourir vieux. C'est jeune. Wow, est-ce que tu viens de me citer? J'ai jamais dit cette phrase-là. Okay, ben, ça ressemblait à ça, c'était quoi? Ben, j'ai dit, voyons donc, as-tu l'intention de mourir à 60 ans? J'ai dit, ouais, peut-être, j'espère. C'est ça. Ça commence à être long. C'est pas vrai. Fait que moi, j'ai dit... peut-être ça. T'es même pas capable de te citer toi-même. Voyons, non. Hey. Ouh. Ouf, hein. Je parlerais pas de suicide, là, pis de métro, pis de... De métro. Ah, de ce métro-là. Moi, je pensais à l'épicerie. Je pense que j'ai faim. métro. Une référence à plutôt à l'émission, ça. En parlant d'avoir faim. Non, ouais. Je vais le dire. Parce que c'est important de le dire. En fin de semaine, je reçois ma grand-mère à manger. Oh. Et on va boire du champagne. Tu vas pas manger ta grand-mère. Non, je vais manger des magrets de canard à la marula. Gracieuseté de Ricardo. Je voulais vous partager ma recette. Je vais avoir une nouvelle chronique recette. Ah, c'est ça. Juste pour aujourd'hui. Mais à la place, c'est quoi le nom de ta recette? Le magret de canard à la marula. Mais dis à la grand-mère roula. À la grand-mère roula. Ça va être cute. Donc, c'est deux magrets de canard, pas trois, pas quatre. Deux, elle a du poivre noir concassé, fait que c'est un con qu'on a cassé. Et de la maroula, oui, avec alcool. Une échalote française, parce que les British, on les aime pas. Deux gousses d'ail, oui, ben ça c'est pour les vampires, là, parce que ça vient tout le temps avec des vampires et des canards. C'est vrai. Du beurre, parce qu'il faut être gras. De la farine, tout usage, hein, parce que si elle fait juste des gâteaux, la farine, là, ça marche pas. Du bouillon de poulet, parce que du bouillon de canard, ça existe pas. Et des gousses de vanille. Oh. Ça aussi, c'est pour les vampires. Ça a vraiment l'air bon. Oui. C'est ça. Puis là, il y a une madame. Tout le monde a aimé ça. Il y a des petites étoiles sur le site de Ricardo. Puis il y a une madame qui a dit « J'ai trouvé que ça goûtait trop la vanille. Bon. » Les autres ont dit que c'est impeccable, délicieux. Ma famille en raffole. Fait que c'est une folle, là. Ça devait être un vampire. Ouais. Peut-être qu'il y a un cancer, quelque chose qui donne une sensation d'avoir trop de vanille. Ouais. Comme il y en a qui sentent le popcorn. Le popcorn. Popcorn. Popcorn, comme dirait ben gros des grands-mères. Merci, Justine, pour ta recette. Mais je disais bonjour à ma grand-mère. Oui. Bonjour, Marie-Blanche. Marie-Blanche. La motte. La... la motte blanche. La... Marie a lancé une motte blanche. Elle doit jamais avoir entendu ça de sa vie. Je sais pas. Je sais pas comment il s'écœurait dans le temps. C'est comme tarieux. Je pense qu'il faisait juste la dire des tarieux. Viens de chien. Y'en a chien de tarieux. Ah, c'est superbe. Donc, on s'en va entendre une autre bloc. On va débuter le bloc B. Vite, vite. Avec une seule pièce avant de revenir et se quitter, d'accord? Donc, B1 se retrouve à être Sun. C'est une pièce que t'as choisie, Justine. Oui, mais juste j'aime par ça, son Sons. Nom. J'aime ça. Ça m'a été suggéré par Maxime Tanguay. Qui est cool. Dis-moi des mots. Dis-moi des mots. Qui Sons. C'est le Dion. Just La formation Sons et Holocene City descendent de la 5e en 12e place anglophone et c'est pas mal là-dessus qu'on va terminer cette édition des Palmarès. C'est fou! C'était le fun! C'était le sun! C'était le sun! Oh, le soleil de nos vies, les Palmarès, c'est fou! Quand le soleil dit bonjour. Allô? Aux montagnes! Aux montagnes, hein, ouais, c'est ça. C'est vrai, Justine, comme un soleil avec ses merveilleuses mèches jaunes. Tellement, hein? Riez pas de moi. Non, mais c'est beau. Mais on rit pas de toi? Hey, penses-tu vraiment qu'on est du genre à se cacher pour rire du monde? Non, on se retrouve jeudi prochain entre 15h et 18h. Restez à l'écoute pour l'émission 13e étage qui s'en vient à 19h avec de l'électro jazz éclectique. On repasse les vendredis à 17h. Après nous, c'est Sky Punka avec du punk rock. Et finalement, lundi entre 14 et 17. Après nous, c'est En deux périodes avec Jean-René Boutin et Maxime Tanguay. Ben oui. Écoutez-les, ils sont bons, ils sont drôles, c'est les meilleurs. Ouais, c'est vrai qu'ils sont bons. C'est vraiment les meilleurs, ils sont très, très bons. Merci, Justine Renaud. Ça m'a fait plaisir. Merci, Stéphanie Paradis. Ça me fait plaisir. Merci, Mathieu Plante. Ah, j'attendais rien que ça. Oh. Merci à vous, les requins, d'avoir écouté. Merci d'avoir été là. Non, pour, aujourd'hui, non? C'est des palmiers. Des palmiers, t'as raison. Aujourd'hui, bon, c'est des palmiers. Ben, c'est des palmarès, c'est fou, c'est des palmiers. Palmiers. Qu'est-ce qu'on va faire cet été? Ah, je peux pas le dire parce qu'on n'a pas encore dévoilé ce punch-là, mais si c'est, mettons, il y a une fusion entre Assemblage Requis et les palmarès, c'est fou pendant l'été, comment est-ce qu'on va les appeler? Les palmiers. Les piranhas. Ah! Comme ça. On verra, ben. Merci, gang. On se quitte avec une dernière pièce. Steph, c'est la position numéro 16. Anglophone, 16. 16? Ah, donc on... C'est The Damn Truth. Oui, too late. Voilà, on se quitte là-dessus. Trop tard. Bonne fin de journée. Bye. On n'avait rien à dire. Pourquoi je laisse le micro ouvert?